chacun avait son chic. C'était celui qui n'est pas connaisseur, n'est-ce pas? C'est un violon, c'est un violon. Bien sûr. Mais il y a toujours un petit détail, hein? Puis chacun a sa main. Chacun a sa main. D'ailleurs, c'est ce qui fait le chic du métier. Oui.